le symposium au niveau central sur la médecine à l'occasion du 70e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung pour un renforcement du service de santé publique a eu lieu le 15 mai au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés et les hommes sanitaires de la ville de Pyongyang. Au séminaire ont été publiées les dissertations sur les expériences et réalisations obtenues pour la modernisation et le perfectionnement scientifique des soins et de la prophylaxie, l'achèvement du système de télémédecine au niveau national et l'informatisation de l'entretien et de la gestion des établissements sanitaires conformément à la demande de la réalité en évolution suivant la politique sanitaire de notre parti. Les diplômes ont été remis aux auteurs.